commence sur un bateau dans une mer qui se déchaîne, entassée comme des déchets, piégé par le poids des chaînes. Y'a un aigle de maison, des champs et le nec marron, les maillons du même chaîne, d'où ils prétendent que le mal rôde dans ma rue. Rien ne change à part les champs de coton. Les colons semblent contents à attendre juste qu'on tombe. L'Europe va-t-elle plier l'Afrique indéfiniment? Dominant, dominé, est ça qui définit le monde? Des bling bling de fer, du cou jusqu'au pied. Que faire depuis 400 ans que nos jours sont comptés? Au fer sous-côté, par toute l'humanité, toujours mis sur le côté, je peux plus m'arrêter. Je m'arme et je tire, peu importe que vous me direz, man. Si ma rue tu sais pour nous seuls dit les mâches. Tu vises la lune, moi Mars depuis l'indigéna. Indigné mère, comprends que ton mépris je le digère mal. Au large des mers, le diable a déployé ses ailes. Libérer ses chaînes, inspirer le discours d'aimer ses airs. Le nec a découvert le visage de Machiavel. Marqué à vie, garde à jamais les marques des chaînes. Au large des mers, le diable a déployé ses ailes. Libérer ses chaînes, inspirer le discours d'aimer ses airs. Le nec a découvert le visage de Machiavel. Marqué à vie, garde à jamais les marques des chaînes. Des siècles à justifier, l'injustifiable. Quantifier l'évolution des races, fut-elle viable? Pas de soupirail, on souffrira. Quoi que l'on fasse, on souffrira. Puis on suivra la voie de l'homme pâle. L'homme face à ses remords, voit pas la vérité. Falsifier l'histoire ne peut être vérifié. Le vaincu compose avec les lois du vainqueur. Vainqueur sur une page valent moins que le crime d'un blanc aux 20 heures. Il y a 20 ans, pour les missions civilisatrices, l'aide au développement, l'expression est si révélatrice. Dirigeants corrompus, idées ethnocentriques, des mobs sans fric que l'on tue pour que le monde s'embrique. Ségrégation, assimilation, un seul objectif, la domination, la mort pour celui qui oserait le dire. Samori, Sankara ou Kadhafi, on s'encarna quand on les voit tracer les cartes de l'Afrique. C'est pas un film, mais notre histoire commune. Ils nous ont rendu infirmes pour que les coupables soient connus. Pas d'ascenseur social, même pas d'échelle. L'Afrique attend juste qu'on lui ôte ses chaînes. Ils ont assorti notre lutte pour qu'on se taise un moment. Aboli l'esclavage pour instaurer le 13e amendement. Ils nous ont trompés, fait croire qu'on avait les mêmes chances. Mais quand on a su lire la Bible, ils ont sorti Mein Kampf. Le mal campe sur ses positions, fait qu'amasser, tabasser, les masser, t'enfermer si t'as rien fait qu'annasser. Nos destins pas caillassés, nos armes sont restreintes, mais on compte pas lâcher. Cravachés depuis nos ancêtres comme des canassons. Dans la cam comme dans la canne à sucre, nos gamins sont comme des paillassons. Piétinés, sac à marcher, sans la machette. Des têtes béton, danse mal masquée, au fait sommes-nous bon qu'à faire du son, ou se faire des sons comme Eric Garner à faire du son. Fiers nous sommes d'être passés du fer alors qu'ils croient qu'on est le maillon entre le singe et l'homme. Le même génome, même si ça semble gêné, sans l'aimer ils apprendront à faire avec mon sang mêlé. J'emmerde les fachos qui nous diabolisent, garde l'image du bon vacheteau dans leur tabloïd. Au large des mers, le diable a déployé ses ailes. Libérer ses chaînes, inspirer le discours d'aimer ses airs. Le nec a découvert le visage de Machiavel. Marqué à vie, garde à jamais les marques des chaînes. Au large des mers, le diable a déployé ses ailes. Libérer ses chaînes, inspirer le discours d'aimer ses airs. Le nec a découvert le visage de Machiavel. Marqué à vie, garde à jamais les marques des chaînes. On veut être libre, mais dans ce monde y a tant de loujats. Ils nous ont colonisés pour les richesses de Mansa Moussa. Quoi que l'on fasse, les les voleurs sont attirés par l'or et le loup chasse. Quand le berger se repose sur ses lauriers, pieds et poings liés, loin des loges maçonniques, les masses soumises au secret. Quand les masses sont mises, main de souris, y'a de bon aigle chez Fernand Nathan. On apprend qu'y a de bon maître, garder nos verres et attendre. Quelle chance, que grands rêveurs nous sommes. Houston perd contrôle, je m'armais comme Huey Newton. Que la roue tourne, que Machiavel se découvre, que le sang coule, car les macaques veulent en découdre. Descendant de Kemet, j'suis pas sûr qu'on m'aime. Quelle merde, je reste qu'un nègre avec une grosse quenelle. Savoir c'est connaître les amalgames qui disséminent. L'extrême sioniste n'est-il pas antisémite?